Penser se dit pensar. C'est le même verbe qu'en français, mais ça finit en ar. Hein? Pensar. Alors, je pense se dira penso. Pienso. C'est ça, hein? Pienso. On insiste sur le e qui cède sous la pression et devient ie. Et comment direz-vous, que pensez-vous de ce film? Vous posez la question à usted. ¿Qué piensa? D'accord, hein? ¿Qué piensa de ce film? Film, c'est película, hein? C'est féminin en espagnol. De esta película? Oui, c'est ça, hein? De esta película, de ce film. ¿Qué piensa de esta película? ¿Qué piensa? Si vous vous adressez à usted, ou ¿qué piensan? Si vous vous adressez à ustedes. Et que pensez-vous de la situation? Vous posez la question à usted. ¿Qué piensa? De la situation. De la situation. Situation. Hein? ¿Qué piensa de la situation? Nous pensons, se dit. Pensamos. Pensamos. Oui. Pensamos, hein, pour la première personne du pluriel, hein, pour le nous, on part de l'infinitif. Hein, donc, pensar, et ça donne pensamos, hein, nous pensons. Hein, ici, le e ne devient pas ie, car il n'est pas accentué. Hein, c'est l'avant-dernière syllabe, ça, qu'il est. Pensamos. Et, comme en français, hein, pensar, penser, est aussi employé dans le sens de prévoir. Hein? Donc, si vous voulez dire que vous avez l'intention de sortir bientôt, vous pouvez dire « je pense sortir bientôt ». Pienso. Pienso. Pienso salir pronto. C'est ça. Pienso salir pronto. Et usted, quand est-ce que vous pensez sortir? Cuando piensa salir? D'accord. Hein? Cuando piensa salir? Comprendre, c'est comprender. Comprender. Je comprends. Comprendo. Comprendo, oui. Comprendo. Hein? Je comprends. Mais il y a un autre verbe pour dire comprendre en espagnol. C'est entender. Comme le verbe français « entendre », mais ça veut dire « comprendre ». En français, le verbe « entendre » a parfois aussi ce sens de « comprendre ». Par exemple, quand on parle de « laisser entendre » ou quelque chose. Mais ce n'est pas un emploi très courant. C'est beaucoup plus restreint qu'en espagnol. Donc, « comprendre », c'est « comprender » ou « entender ». Alors, si vous voulez dire « je comprends », en utilisant entender, ça sera entiendo. C'est ça, hein? Entiendo. Ici, le e devient ie. Hein? Entiendo. Entender est en fait plus courant que comprender. Hein? Donc, je comprends, entiendo, et je ne le comprends pas. Hein? Toujours avec le verbe entender, c'est no lo entiendo. No lo entiendo. Hein, c'est ça. Donc, quand en espagnol on dit no entiendo, il ne s'agit pas d'un problème d'audition, hein, mais bien de compréhension. No entiendo, c'est je ne comprends pas. Et non, je n'entends pas. Alors, je ne vous comprends pas, hein, vous vous adressez à usted. No le entiendo. No le entiendo. Et je ne te comprends pas, hein? Te, c'est T, comme en français, T, E, qu'on prononce T. Hein? Alors, je ne te comprends pas, non. No te entiendo. C'est ça. Hein? Donc, au lieu de les, c'est T. Hein? Et est-ce que tu me comprends? Me entiendes. C'est ça, hein? C'était clair. Me entiendes. Nous ne nous comprenons pas. No entendemos. Bien, hein? No entendemos.